Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, c'est Lost in Space à 21h tapante. Aujourd'hui, on va avoir un programme assez orienté garage rock avec pas mal de vieux garages, mais aussi de groupes récents qui se revendiquent plus ou moins du garage. Vous allez voir, ça va nous faire un bon melting pot qui va nous amener au son des guitares jusqu'à la fin de soirée. Allez, c'est parti! On the power board, entertaining, I will ever ignore. sound sounds good. If I could, I'd complain. Transmitter content sent in vain. Increasingly nervous through my vision, view their mission. So the medium will only be an incision. Qu'on le mange. Il n'est pas perdu le temps perdu, puisqu'on y touche à la fin des temps et qu'on y mange sa mort à chaque seconde, à chaque bouchée. Le temps perdu est le temps abondant, nourricier. Christian Bobin. She had long white teeth that came to a coil of a many big kinds in the rock and roll joint. Like a wow, wow. She was a mama. I shouted a little louder and I nearly dropped that. She had a son in the head that said her name was Bray. I thought she was cookie and kind of silly, cause I recognized the chicken was thing and you could tell it. Like a wow, wow. Like a wow, wow. She said that look divine. She gave me a strike, I had to be a Valentine. She tried to get romantic, she acted gay. She beat me in the leg and I shouted, hey, what are you doing? She was a mama. Now the years have gone by and my memory squeezed to the jungle in its good old days. I never more in a traffic breeze. I never more till he come a swinging to the threes. Tell me wow, wow. I got a mama. La paresse, c'est réussir à se retrouver de temps en temps, d'agir autant, mais selon son humeur, selon sa pente. Pierre Sansot. I know.

La vie devint dure et cruelle. Si cruelle que les hommes, et plus encore les femmes, n'arrivaient pas à souhaiter la vie. Mieux valait ne pas naître, et mieux encore, disait-il, ne pas donner naissance, ce qui fut décidé. Alors, Dieu dut inventer des gestes qui promettent du plaisir sexuel. L'un après l'autre, il les inventa. Depuis ce temps-là, quand ils font l'amour, les femmes et les hommes pardonnent à cette vie et en entrevoient d'autres. Jeune berger. Yeah. faut pardonner à la beauté comme à un chien qui meurt en pleurant. Denis Vanier. So listen to me, sister, listen. le plaisir obligatoire remplace le plaisir prohibé. La jouissance s'affronte à la façon d'un examen avec échec ou réussite à la clé. Boire, manger, s'adonner à l'amour participent désormais des ornements de la bonne réputation. Pour le brevet de radicalité, indiquez ici la moyenne horaire de vos orgasmes. Tiré de Raoul Van Eghem, le livre des plaisirs. Yeah. Mon expérience avec les curés fut monstrueuse, mais elle ne m'a guère affecté. Il est plus original de faire un film autour des religieuses qui ne soit pas anticlérical. Je suppose que pour moi, la religion ne doit pas être un problème. Je ne la considère pas comme une ennemie contre laquelle il me faille lutter. Je ne me sens pas entamé par toutes les balivernes proférées par Jean-Paul II. S'il essayait de mettre le péché à la mode, je n'en deviendrais pas pour autant un pécheur. Le péché a totalement disparu de ma vie. Ça ne m'intéresse pas de faire un film revanchard. Il faut beaucoup de mémoire et de rancœur pour prendre sa revanche après que les années se sont écoulées. Je n'ai ni l'une ni l'autre. C'est dommage parce que la mémoire et la haine ont une puissance créatrice énorme. Je le répète, je n'ai ni l'une ni l'autre. Je vis le présent et le présent doit être absolument nouveau, du moins pour moi. Pedro Almodovar. Jones, and she comes from a broken home. She was a Holloway person. She was a Holloway person. She had sharp eyes, she told big lies. She had a crazy look, and it was no surprise. She was a Holloway person. She was a Holloway person. She had one mum, no dad, and then one brother who was such a drag. She was a Holloway person, a Holloway person. But she was a friend, a good friend of mine, a Holloway person. Some trouble in a small town, you know they caught her out, and she got sent down. She was a Holloway person. She was a Holloway person. She never told me what for. She didn't think highly of the law. She was a Holloway person. She was a Holloway person. She had no time for any men, because she'd been let down again and again. She was a Holloway person. A Holloway person. But she was a friend. Doesn't care for society. She is a Holloway person. She is a Holloway person. Her hair is an awful mess. She hardly ever wears a dress. She is a Holloway person. She is a Holloway person. She's going round and round, but it never gets her down. She is a Holloway person. She is a Holloway person. But she is a friend. Quoi? C'est vilaine maison, c'est hangar, c'est Coursal, c'est terrain vague où s'élevaient des tas d'immondices, c'était Paris, le Paris dont elle avait si souvent entendu parler par son père, dont elle rêvait depuis longtemps et avec des imaginations enfantines, d'autant plus féeriques que le chiffre des kilomètres diminuait à mesure qu'elle s'en rapprochait. De même, de l'autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés dans l'herbe comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes aux faces patibulaires étaient des Parisiens. You don't know me, but I know your girlfriend. I know you're in love. Come here with bad news, and you know the truth. What do you want? What should I say? You know the truth, you're lying every day. Come as a friend, not as a foe. To dread the truth you dread. She walks with the dead. With the dead. Now you look at me like I'm out to get you. No, tell you the truth. That's all I come here to say. What do you want? What should I say? You know the truth, you lie to yourself every day. Come as a friend, not as a foe. This is the truth. Got to dread, she walks with the dead. With the dead. figure out there in the graveyard, floating above us high. Conjuring up her buddies, taking them in. She walks with the dead, with the dead. Many a man she's ruined, many a man put to hell. Hell for the evil spell. Why don't you leave my friend alone? Now it's your time. Take off the ring. Who do you want? What should I say? You know the truth, she lies to you every day. Come as a friend, not as a foe, not to dread. She walks with the dead, with the dead. Walks with the dead, with the dead. What do you want? What should I say? You know the truth, the light of every day. Come as a friend, not as a foe to dread. She walks with the dead, the dead. She walks with the dead, the dead. Okay, what do you want? Just leave my friend alone. Can't you find some other guy to take with you? To the dead. You wicked bitch. Walk with the dead. We walks with the dead. With the dead. The dead. Shut up. She walks with the dead. Thank you.

la dépolitisation, en partie entretenue par les médias, qui en profitent puisqu'elle accroît leur pouvoir d'influence sur un électorat volage, désaffilié et manipulable, ouvre une place toujours plus grande aux campagnes de communication, y compris et surtout via la publicité politique, elle-même indissociable des ressources gigantesques qui financent la conception et la diffusion des spots. Le parti républicrate qui émerge de ces transformations ne peut plus alors faire autrement que quémander les dons des lobbies industriels et donc devancer les demandes des possédants. 30 ans plus tôt, nous n'en sommes pas encore là. En 1952, le premier spot politique à la télévision, « I love Ike », Dwight Eisenhower, vient tout juste de faire son apparition. Les techniques de mobilisation électorale restent traditionnelles. Parrainage des machines municipales ou associatives, porte-à-porte, réunions publiques. Mais la rupture des démocrates avec le discours populiste du New Deal, elle, est déjà intervenue. Don't pay no attention, too much of a hassle. I'll leave him. me go out and pour a roll of cigarette and drink my beer. I'll be all yours, I promise. Oh, but I just need those pills, baby. Don't be the blame. I just need those 50 men's of all. Hey, sweet honey, honey, baby, come on. Don't think that's a dream. I just need those 50 men's of all. I just need those 15 minutes alone when I come home, maybe for a long day at work. All soaked and sweaty, all tired and dingy. I just need to sit on that porch and eat my hot dog and drink my beer. And if you let me do that, baby, I'll be all yours. Oh, sweet honey, baby, don't care. Don't give it as a swing. I just need those 15 minutes of love. Baby, baby, she's gone to bed. Don't think that's a fool. I just need those 15 minutes of love. You know, I just need those 15 minutes of love. You know, and I need those 15 minutes. Honey, that's all I ask for. I can do the laundry. I can mow the lawn. I can wash the car. And I can feed the dogs, honey. But just let me have 15 minutes on my own. That's all I ask for. I'll be all yours then. Oh, sweet honey, baby, don't think it as a flame. I just need those 15 minutes alone. Oh, sweet honey, honey, baby, I love you. Don't take it as a plane. I just need those 15 minutes alone. Yeah. I just need those 15 minutes alone. Yeah. I just need those 15 minutes alone. Prenons garde cependant de caricaturer la posture de Roosevelt et dans une large mesure celle de son héritier Harry Truman afin de mieux accuser les contrastes avec leur successeur démocrate. L'un comme l'autre s'accommode d'un discours expert et s'entoure des technocrates qui en général l'incarnent. Pendant leur présidence, la prolifération d'agences fédérales ne débouche nullement sur une transformation sociologique de la nouvelle classe dirigeante. Toutefois, à partir des années 1950, il s'agit de tout autre chose avec leurs successeurs. Alors que Truman nommait socialement ses adversaires et revendiquait socialement ses alliés, destinée aux riches, la proposition de loi fiscale des républicains plante son couteau dans le dos des pauvres, s'exclama-t-il par exemple le 15 juillet 1948. Adlai Stevenson et John Kennedy vont s'efforcer d'élargir, d'édulcorer puis de supprimer cette rhétorique de classe, si générale fut-elle. Le Parti démocrate, souligne John Gehring, abandonne l'idiome populiste en faveur d'une philosophie universaliste. Un discours de réconciliation remplace celui du ressentiment. La thématique très inclusive du peuple américain se substitue à l'évocation des sans-grades « common man ». Les références aux pratiques illégales des grosses entreprises sont remplacées par une perspective résolument favorable au milieu d'affaires. Mr. D was an office clerk who filed, stamped, and typed. When it was sunny, he walked to work under his bald hat. He was all quiet and ordinary until one night he found out. He had quite an unusual ability, nothing you'd ever heard. Mr. L, his boss, with his brush-cut moustache. had decided to make Mr. D's life tough and moved into a cubby old shack. He was never happy and would always complain about Mr. D's work, which drove him insane. So D passed his head through the next door petition, scared the hell out of his mouth to teach him a lesson. Game to another level. Every night he'd rob banks, but the playful devil always left a note written in cursive bright red with his moniker on so the word would spread. His theft every morning would be front page news. The readers loved him, the police had no clues. Then he decided to get himself caught. To prison he was sent in a secured cell block. The prison wall was for him a real treat. Told the warden he'd be gone at 11 on the street. He was now in disguise and nobody could tell. Then a married girl he met, both in love they fell. He said that he would be at a place tonight, even if a husband had no luck inside. et on retrouve toujours. Fléché, hein, on peut pas se perdre, ça c'est clair. Food District à droite, Place Gaudin. Ah oui, Place Gaudin, là on y va aussi. Et puis parking, enfin aller Docks Bruxelles, tout est bien fléché, quoi. Ça c'est clair. Mais bon. Gonna rain. I'm sinking fast. Don't know what to do, and I feel so blue. But DFD, what does the world care about me? My world is coming apart. Oh, but I think it's gonna rain. Myself up. Life really sucks, but it always does. So who am I to sit on my ass and cry? My life is full of pain. Oh, but I think it's gonna rain. Singer, but no one wants to hear you play. And every time you move and do what you do, all that you hear them say is, girl, you're not gonna make it. Girl, you're not gonna make it. Girl, you're not gonna make it. And you know you're gonna die every time someone rolls their eyes. Time you move and do what you do, you say that you strike too soon. Well, girl, you're not gonna make it. Well, girl, you're not gonna make it. Well, girl, you don't have to take it. And you know you're gonna die every time someone rolls their eyes. Try. En fait, tout est, d'après ce que je comprends, c'est par district. Ils ont fait un découpage par district. Donc il y a le district food, vêtements. C'est des allées. Le consommateur, Cyril. Le consommateur. S'il veut manger, il sait où manger. S'il voilà. veut se vêtir, il sait où se vêtir. Voilà, s'il quoi. Veut. On segmente, quoi. On segmente. On segmente. I don't know where. ramène tous les trésors du monde. Mais où sont-ils? Je vois rien, moi. Moi non plus, je vois rien. Vous avez ramené tout ce qu'on a dit? Tu parles? Où est-ce que c'est? Il y en a tellement que ça serait trop long à raconter. Mais où est-ce que c'est? Yeah.